Francesco, bonsoir. Bonsoir. S'il te plaît, présente-nous les musiciens qui jouent avec toi dans La Mezcla. Jody à la basse. Bonsoir. Maya de la Catalogne. Bonsoir. Nous avons les autres, Davide à la guitare et Carla Napolitain à la tamburello, Cristiano Napolitain à la percussion et beaucoup de gens qui nous ont invités de France. Je t'ai découvert il y a quelques années, alors que tu étais percussionniste au sein d'Ataraxia, qui est un groupe italien connu et reconnu sur la scène gothique européenne. J'ai appris par la suite que tu étais multi-instrumentiste et que tu avais un projet musical dark folk, gore, inspiré par la musique médiévale. D'autre part, tu multiplies les collaborations avec des groupes shoegaze ou new wave. Tout ça est très éloigné de la mezcla avec lesquelles tu interprètes la musique populaire italienne. Quelles ont été tes premières influences musicales ? Quand je... Oui, c'est un peu particulier parce que quand je fais petit avec mon père, j'écoutais la musique traditionnelle napolitaine. Et il faut néo-mélodique chanson. C'est pareil à la musique de Nord-Afrique. Et la musique, l'intéressement pour la musique médiévale, il naît quand je fréquentais le conservatoire dans la bibliothèque. Je cherche beaucoup de partitures, partitions médiévales, parce que je suis intéressé à l'histoire dans les Méditerranées, et spécialement dans la France et l'Italie, la connexion de la France et l'Italie. C'est étrange, mais c'est très forte, cette connexion Italie-France. Bah, je ne sais pas pourquoi. Je pense dans la colonisation française en Italie. Je pense que vous avez donné à nous beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Alors ça valait la peine de gagner la bataille de Marignan. Mais en quoi la tradition française serait-elle plus riche que la tradition italienne ? La chose très très forte de la France, des musicales, c'est la partition. Parce qu'en Italie, c'est perdu toute la partition médiévale. Et la France, je pense, c'est riche de la tradition. Mais ils ne comprennent pas la richesse qu'elle a. Que la France a, et pas, je pense que la personne a beaucoup de bandes, a beaucoup de personnes qui sont intéressées à la musique médiévale, et il connaît pas l'histoire de la France, que c'est très très importante, très fort. Tu as donc étudié au conservatoire et tu mènes ta carrière musicale depuis les années 90. Comment s'est créée la mezcla? La mezcla s'est formée à la fin del porca miseria. Il 1999. Soit 1999. Pour la fin del siècle, non? Et moi et David ont commencé à rencontrer et à jouer un petit de morceau, un petit de musique. On va rencontrer in ogni paese, tous les pays, les amis, la gens différents, et on va jouer ensemble parce que c'est le corps de la mezcla. C'est il punto di fuoco, il punto focale, le punto principal de la mezcla. Et avec l'amour, avec le corps, et c'est très très important, c'est très très fort. Avec la mezcla, on jouait en France beaucoup de fois. Et la dernière année, nous jouions à Arles, en France, à Avignon. C'est la cinquième fois que nous sommes ici. La France, je pense que c'est la seconde, de la deuxième terre de la mezcla. parce que c'est très très chaleureux. Et avec la Catalogne, on va jouer en beaucoup de pays. Et c'est fantastique. C'est très très chaleureux. Votre musique est appréciée en Espagne et en France, mais qu'en est-il dans le nord de l'Europe? Le public y réagit-il bien? Avec la mescla, non. En Allemagne et en Angleterre, non. Non, pas encore. Je pense que c'est un peu différent. Comment posso dire? Passo dopo passo. Oui, un peu. On est arrivé avec les chaleurs en Allemagne et en Angleterre. Pour porter un peu de chaleur, un peu de corps en Angleterre. Et c'est un peu triste la situation mondiale à ce moment. En vous écoutant en concert, j'ai découvert un aspect politique auquel je ne m'attendais pas forcément. Vous interprétez bien sûr les chansons populaires italiennes comme Bella Ciao, mais vous reprenez aussi l'international. Est-ce une prise de position? Pour expliquer cette chose, avec l'international, nous avons fait un mélange un peu, parce que quand on a écouté l'international, nous avons fait un mélange avec la traditionnelle chanson de Naples, de Montemarano, un tarantella, non? Et nous avons fait cette chose parce que dans les corps, nous sentions, nous sentons la philanthropie avec les gens qui sont ici pour condivider la chaleur, pour condivider l'amour, pour condivider tout que nous avons. Nous avons la musique, nous avons l'amour. Et on va condivider avec les personnes qui sont ici, l'amour, la musique, quel que nous pourrons donner à la gens, on va donner beaucoup de plaisir. L'international, c'est, nous avons joué l'international pour jouer, c'est pour rigolo. Nous sentons la philanthropie internationale avec les autres pays, avec les autres gens. Mais ce soir, nous avons joué cette chose pour rigoler ensemble, avec Judy, avec David. Nous sommes politiques. Je parle pour moi. Je suis politiquement de sinistre. Comment se dit? Gauche. De gauche, mais philanthropique, humaniste. Parce que je pense avec l'amour, avec le corps, nous pouvons changer l'interprétation de ce monde un peu barcollante, un peu si regge su due staffe, ouais, è come una barca. È importante che si tu pensi che puoi changer une chose, et je pense que c'est important que tu fais cette chose en le meilleur mode possible. En tout cas, avec vos concerts, vous nous changez de l'amorosité ambiante. Merci Francesco, et à bientôt avec la mescla.